De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, Marielle. Sa disparition de ma bille, ses allures nouvelles, la discrète élégance de ses toilettes sombres, ses airs enfin de nolimen tangere, joint à de certaines réticences qu'employaient désormais ses favorisés en parlant d'elle, tout cela m'intriguait un peu les esprits au sujet de cette séduisante fille, célèbre, jadis dans ses soupers où son fin et joli babil galvanisait jusqu'aux princes les plus moroses de la gomme et que je désire appeler Marielle. Tout semblant de pudeur n'étant parfois pour les femmes ultra galantes qu'une dernière dépravation, je résolus, étant désœuvré, d'approfondir l'énigme. Oui, par un légitime ennui, par une de ces frivolités dont tout philosophe est capable à ses heures et qu'il ne faut point se hâter de blâmer outre mesure, je formai le dessein de rechercher dès que s'en offrirait l'occasion jusqu'à quel degré de l'épiderme cette couche de vernis pudique avait pénétré chez elle, ne doutant pas que les premières égratignures d'une conversation savamment épicée n'en fissent sauter pour le moins quelques écailles. Hier, avenue de l'Opéra, je rencontrai la mystérieuse enfant, toute moulée de failles noires, une rose rouge sang à la ceinture, un Gainsborough sur son ovale et fin visage. Marielle compte aujourd'hui 25 automnes. Elle n'est qu'un peu pâlie, toujours svelte, excitante, avec sa beauté de tubéreuse, pimentée d'une distinction de vicomtesse de théâtre et son je ne sais quel charme dans les yeux. Entre deux banalités de circonstances et la trouvant moins cérémonieuse que je ne m'y attendais, je l'invitai, sans autre façon, à venir dîner au bois, seul à seul, dans un moulin de couleur quelconque, histoire de s'ennuyer de concert, les premiers soirs de notre énervant septembre devant aider, pensais-je à ses expansives confidences. Elle déclina d'abord, puis, comme séduite par mon insouciant ton de réserve, elle accepta. 5 heures sonnaient, nous partîmes. La promenade sous les branchages de l'une des plus désertes allées du bois fut silencieuse. Marielle avait baissé son voile, craignant soit d'être vue, soit de me causer quelque gêne. La voiture, d'après son désir, allait au pas. Je ne remarquai rien d'autrement surprenant dans la tenue de notre énigmatique amie, sinon toutefois l'attention inusitée dont elle honora le coucher du soleil. Le dîner fut maintenu sur un diapason tellement officiel que, transporté en un repas de famille bourgeoise le jour de la fête du grand-père, il n'eut choqué personne. Nous parlâmes, je m'en souviens, du prochain salon. Elle était au fait, semblait s'intéresser, bref, nous étions absurdes à plaisir. C'est si amusant de jouer au gandin. Je préfère cela aux cartes. Pour diversifier et l'attirer vers de plus riants domaines de l'esprit, je me mis à lui détailler, au dessert, l'aventure de ce hobereau vindicatif, lequel ayant surpris qui, je vous le donne en mille, sa femme, figurez-vous, en conversation légère, blessa mortellement le préféré. Puis, pendant que celui-ci rendait l'âme, et comme la jeune éplorée se penchait en grand désespoir sur l'agonisant, imagina raffinement extrême de chatouiller dans l'ombre les pieds de l'épouse infidèle, afin de la forcer d'éclater d'un fou rire au nez expirant de l'élu de son cœur. Cette anecdote assaisonnée d'incidence ayant induit Marielle à sourire, la glace fut rompue et nous commençâmes à nous distraire davantage. Lorsqu'on eut apporté les candélabres, l'éternel café, les boîtes odorantes de la Havane et les cigarettes russes, comme les fenêtres de notre retrait donnaient sur de grands arbres, je lui dis, en lui montrant le croissant qui faisait étinceler les dernières feuilles d'or bruni, « Ma chère Marielle, te rappelles-tu vaguement l'automne dernier ?» Elle eut un mouvement de tête un peu mélancolique. « Bah, répondit-elle, l'hiver suivant, les jolies fleurs de ces 2 soirs dont tu parles sont mortes sous la neige. Tiens, n'essayons pas de raviver un bouquet de sensations fanées. Ce serait nous efforcer vers un nul plaisir. Le caprice est envolé, c'est l'oiseau bleu. Laissons la cage ouverte en souvenir, veux-tu? Restons amis. » L'heure était charmante. Marielle venait de dire une chose aussi sensée qu'exquise. Quoi de mieux possible désormais qu'une causerie? Elle voyait qu'en cet instant, du moins, j'avais plutôt souci du mot de son attitude nouvelle que de ses chers abandons. Cependant, je me crus obligé par une délicatesse de prendre un air attristé quelque peu, simple attention que tout homme bien élevé doit toujours et quand même à une créature gracieuse. Elle me devina sans doute et la sympathique alouette voulut bien se laisser prendre au miroir. Nous nous tendîmes la main en souriant et ce fut fini. Et voici qu'entre deux petites gorgées de menthe blanche, m'ayant élu pour confidence ou le fallacieux peut-être mais rassurant prétexte que je ne suis pas comme les autres, Marielle me narra la suivante histoire. Après m'avoir arraché cette promesse d'en masquer l'héroïne s'il m'arrivait d'en parler un jour sous le loup de velours d'un impénétrable et gracieux pseudonymat. Voici l'histoire, sans commentaire. C'est seulement sa manière d'être banale qui m'a semblé assez extraordinaire. L'hiver dernier au théâtre, Marielle avait été l'objet, paraît-il, de l'attention d'un très jeune spectateur absolument inconnu du tout Paris, des rues Blanches et Condorcet. Oui, d'un enfant de 17 ou 18 ans, de mise élégante et simple, et dont la jumelle s'était plusieurs fois levée vers sa loge. Lorsque la belle Marielle est habillée en toilette montante, il faut vous dire qu'un provincial pourra toujours la prendre pour quelque échappée d'un salon de moderne préfète. La dangereuse créature a cela pour elle qu'elle n'est dénuée ni d'orthographe ni d'un certain tact, grâce auquel elle devient, selon les gens qui lui parlent, assez vite pour produire l'illusion. La romance, une fois commencée, elle ne détonne plus, qualité rare. Elle s'était accompagnée ce soir-là d'une forte marchande à la toilette à qui, dès le premier coup de lorgnette du « monsieur », elle intima tout bas la plus rigoureuse tenue, en sorte que, dès le second acte, Maria lui semblait à des yeux même sagaces une rentière veuve et indifférente flanquée d'une parente éloignée. Le « monsieur » n'était donc que cet adolescent de 17 ans à peine. De beaux yeux, un air crédule, l'innocence même, un page. Or, l'aspect imposant et piquant à la fois de la brillante personne ayant ému se semble outre mesure notre jeune homme. Il erra dans les couloirs, sans oser, bien entendu, et, pour tout dire, à l'issue de la représentation, il suivit en voiture l'humble fiacre de ces dames. En fine mouche, Marielle se réfugia ce soir-là chez sa marchande à la toilette. Des ordres furent donnés pour si l'on venait prendre des renseignements. Bref, elle devint en deux temps l'honnête veuve de passage à Paris du militaire en retraite, âgé, décoré, auquel une famille intéressée l'avait sacrifié de bonne heure. Enfin, rien n'y manqua, pas même les 2 ans de veuvage avec le portrait du défunt qu'on se procurerait facilement et d'occasion s'il y avait lieu de s'en pourvoir. Il est de tradition que, même de nos jours, cette fastidieuse rengaine ne manque jamais son effet sur les imaginations jeunes encore. Marielle s'en tint là, le mieux étant l'ennemi du bien, plus tard, on aviserait. La nuit ayant affolé les fiévreuses rêveries de son juvénile amoureux, tout se passa comme, avec son flair de levrette, notre héroïne l'avait pressenti. Le jeune provincial, une fois en possession du nom nouvellement choisi de la dame, écrivit. Marielle, en mettant un pouce léger sur la signature, me donna cette lettre à lire. S'il faut l'avouer, je fus surpris de l'accent sincère de cette épître. Elle émanait à coup sûr d'un trop candide mais trop noble garçon. C'était fou, mais c'était exquis. Ah, le charmant et bon petit être! Un respect, une timidité irrésistible. Il donnait son premier amour, cet enfant-là, prenant cette fille bizarre pour la plus réservée des femmes. J'en fus attristé moi-même en songeant au dénouement inévitable. Il s'appelle, de son petit nom, Raoul, me dit-elle. Il appartient à une excellente famille de la province. Ses parents, des magistrats bien honorables, lui laisseront de l'aisance. Il vient à Paris 3 fois par mois. En s'échappant, cela dure depuis 6 semaines. Ayant des côtés abordables, la belle repentie n'était point demeurée insensible à cette passion si gentiment exprimée. Après 2 autres petites lettres d'attendrissement, un voile se déchira pour elle. Son âme entrevit l'existence sous un jour inconnu, Une Marion de Lorme s'éveilla dans ce corps jusque-là plongé en des limbes d'inconscience. Bref, un rendez-vous fut accordé. L'enfant, paraît-il, fut inouï, fou de joie, ignorant, ingénu jusqu'au délire, et se sentant pour la première et dernière fois sans doute aimé noblement, voilà que cette charmante insensée de Marielle s'emballa elle-même et que l'idylle commença, et elle en devint folle. Oh, rien ne manque au roman. Ni le secret à chaque voyage de Raoul, ni la petite maison louée dans un faubourg tranquille avec des fleurs sur le balcon et donnant sur un pâle petit jardin. Là seulement, ressuscitée des autres, elle palpite de toutes les chastetés, de tous les abandons, de tous les bonheurs ignorés si longtemps, et, en parlant, des larmes brillaient entre les cils de la fille sentimentale. Raoul est un Roméo qui ne saura peut-être jamais le fin mot de sa Juliette car elle compte disparaître un jour. Plus tard, l'autre femme qui était en elle est morte à l'entendre. Ou plutôt n'a pour elle jamais existé. Les femmes ont de ces puissances d'oubli momentané. Elles disent à leurs souvenirs « Vous repasserez demain » et ils obéissent. Mais au fond, tout ce qu'affirment les femmes de mœurs un peu libres est-il digne d'autant d'attention que le bruit du vent qui chante dans les feuilles jusqu'à l'hiver? Cependant, ces économies se sont dissipées à meubler d'une façon délicate et modeste la demeure en question. Raoul n'est encore ni majeur, ni en possession d'une fortune quelconque. D'ailleurs, fût-il riche, il semblerait impossible à Marielle d'accepter de lui le moindre service d'argent. Elle a peur de l'argent auprès de cet enfant-là. L'argent, cela lui rappellerait les autres. Lui en parler? Jamais elle aimerait mieux mourir. Positivement, elle se trouve justifiée par son amour, de l'inconvenance assez déplacée de l'indélicatesse même qu'elle commet en ceci vis-à-vis de ce très innocent garçon. Lui, la croyant à l'aise comme une femme de son monde, n'y songe non plus en rien. Il consacre tout ce petit louis à lui acheter soit des fleurs, soit de jolies choses d'art qu'il peut trouver, voilà tout. Et c'est en effet tout naturel. Entre eux, donc, c'est le ciel. C'est l'estime naïve et pure. C'est le tout simple amour avec ses ingénues tendresses, ses extases, ses ravissements éperdus. Daphnis et Chloé balbutiant, voilà leur pendant exact. À ce point du récit, Marielle fit une pause, puis, levant vers les nuages lointains au-delà de la croisée ouverte aux étoiles des yeux d'une expression virginale, « Oui, acheva-t-elle, je lui suis fidèle. Et rien, rien, je le sens, ne me ferait cesser de l'être. Oui, je me tuerais plutôt, murmura-t-elle avec une énergie froide et en rougissant de pudeur à la seule idée d'une infidélité imaginaire. Hein ? Lui répondis-je en relevant la tête et légèrement stupéfait de cet aveu. Tiens, mais Georges, cependant, mais Gaston Dal, et ce bel Aurelio, mais Francis X, il me semblait que, hein ? Marielle éclata d'un rire frais aux notes d'or et de cristal. « D'aimables blagueurs !» s'écria-t-elle tout à coup sans transition. « Ah, les importuns obligés ! Sombre fête alors, eux ! Ah bien, certes !» Et elle haussa dédaigneusement les épaules. « Est-ce de ma faute s'il faut bien vivre » ajouta-t-elle. « J'entends, tu lui demeures fidèle en pensée. » « En pensée comme en sensation !» s'écria de nouveau Marielle avec un mouvement d'hermine révoltée. Il y eut un silence. « Mon cher, continua-t-elle, il est si facile de ne point profaner le trésor de joie qui n'appartient qu'à l'amour. À ce sentiment divin que cet enfant et moi nous partageons. Le reste, est-ce que cela nous regarde? Le cœur y est-il pour quelque chose? Le plaisir pour quelque chose? L'ennui même pour quelque chose? En vérité, mon cher poète, ce dont tu veux parler est moins qu'un rêve et ne signifie rien. Les femmes ont une façon de prononcer le mot rêve et le mot poète qui serait à mourir de rire si on avait le temps. Aussi, acheva-t-elle, ai-je le droit de dire que je suis incapable de le tromper ? Ah ça, ma chère Marielle, lui répondis-je en plaisantant, sans prétendre que le convenu de bien des faveurs me soit inintelligible, quelle que soit ma modestie, quelque désir que j'aie de ne caresser aucune chimère, m'autoriserais-tu, voyons, à jurer que moi-même, enfin, je n'étreignis jamais que ton fantôme ? À cette folle question, suggérée peut-être par quelque sensible contrariété, l'animation de son récit l'ayant rendue vraiment des plus ragoûtantes, elle s'accouda sur la table avec une mélancolie. Le bout de ses doigts pâles et fins effleurait ses cheveux. Elle regardait, entre ses cils, brûler l'une des bougies du candélabre et puis, avec un indéfinissable sourire, « Très cher, » me dit-elle après un assez profond silence. « C'est gênant, ce que tu me demandes. Mais vois-tu bien, nul n'est si prodigue de soi-même de nos jours. Et entre autres, ni toi, ni moi. Les semblants de l'amour ne sont-ils pas devenus pour presque tous préférables à l'amour même ? Ne m'as-tu pas, au fond, donné l'exemple du méchant sacrilège que tu voudrais me reprocher ? Entre nous, ne serais-tu pas embarrassé quelque peu si je t'eusse aimé ? Prends-tu sérieusement le charme convenu en effet d'un instant, peut-être bien solitaire, bien peu partagé peut-être, pour la fusible et dévorante joie de l'amour ? Quoi ? Tu ravirais, je suppose, un baiser sur les lèvres d'une enfant endormie et de ceci tu la jugerais coupable d'infidélité ? Et, la rencontrant un jour, tu oserais t'imaginer sans rire avoir été le rival de celui... Ah, je t'atteste que, n'ayant pas même ressenti le frôlement de ce baiser, elle serait dispensée envers toi même de l'oubli. Si indifférent que tu me puisses être en amour, tu peux bien croire, sans grande fatuité, j'imagine, que j'ai su distinguer le plaisir qu'a dû me causer ta simple personne de celui que m'a causé aussi ce joli diamant glissé à mon doigt. Ah, certes, avec une délicate et tout à fait simple apparence de souvenir, je l'accorde. Mais qui, parlons franc, t'acquittait envers une pauvre fille galante de son métier, comme ta très humble servante Marielle. Quant au surplus, à ce que je puis t'avoir accordé par enjouement ou par indolence, c'est là l'illusion qu'il faut laisser à jamais envoler. La poussière brillante des ailes de ce papillon s'étant toujours effacée aux doigts assez cruels qui tentèrent de le ressaisir. Mon cher, n'espère pas me persuader que tu n'as connu de l'amour que ces vains abandons mélangés de tristes et nécessaires arrière-pensées. Tu me demandes si tu n'as jamais pressé dans tes bras que mon fantôme, conclut la belle rieuse. Eh bien, permets-moi de te répondre que ta question serait au moins indiscrète et inconvenante. C'est le mot, sais-tu, si elle n'était pas absurde, car cela ne te regarde pas. Va vite retrouver ton Raoul misérable, m'écriai-je furieux. A-t-on vu l'impertinente ? Je prétends me consoler en essayant d'écrire ta ridicule histoire. Tu es d'une fidélité à toute épreuve. N'oublie pas le pseudonyme, dit en riant Marielle. Elle mit son chapeau voilé, sa longue mante, se priva de m'embrasser par un dernier sentiment des usages et disparut. Resté seul, je m'accoudai au balcon, regardant s'éloigner sous les arbres de l'allée la voiture qui emportait cette amoureuse vers son amour. Voilà, certes, une Lucrèce nouvelle, pensais-je. L'herbe toute lumineuse de l'ondée du soir brillait sous la fenêtre. J'y jetai par contenance mon cigare éteint.